Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter les prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. On va parler de soccer ou de football, si vous aimez mieux, parce que hier, la planète foot a été un petit peu ébranlée. Une nouvelle qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Zinedine Zidane quitte le Real Madrid après trois conquêtes de la Ligue des Champions. On en parle avec... il est un grand partisan du Real Madrid. On s'en va à Madrid rejoindre Adrien Laubert pour parler un peu de comment ils vivent ça. Parce que là, c'est pas juste Zidane qui partirait du Real Madrid, mais des rumeurs, après la conquête du Real Madrid contre Liverpool la semaine dernière, Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur joueur de foot actuellement sur la planète, a dit qu'il quitterait Real Madrid. Les rumeurs l'envoient à Manchester United. On en parle, on s'en va à Madrid rejoindre Adrien Laubert. Bon après-midi, Adrien. Pour toi, il est en après-midi. Pour nous, il est très tôt le matin. Bon après-midi, Adrien. Bon après-midi, salut Danny, salut le secteur de ton programme. Oui, Adrien, si on parlait un peu de Zidane, est-ce que vous l'avez vu venir en Espagne, le départ de Zidane? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. La vérité, c'est que maintenant, tous les journalistes, tous les supporters, nous cherchons quelques traces, okay. Mais le caractère de Zidane, si timide, si... philosophe et comme ça, il a très bien caché ses intentions et sûrement il n'avait pas même pris la décision jusqu'à il y a 2-3 jours. Ok. Qu'est-ce qui a pu motiver d'après toi le départ de Zidane? Je crois que Zidane, tant comme joueur comme entraîneur, il a prouvé une grande sagesse et je crois que c'est très très intelligent de quitter l'équipe sur le sommet qui avoir dû partir après de mauvais résultats. Donc, il a fait trois saisons historiques. Il a démontré sa qualité tout le monde et à ce moment-là, il veut, je crois, se reposer. Et, mais comme, quand il était joueur, il avait les contrats. Mais il a préféré de finir son contrat un an en avant pour laisser Real Madrid sur les sommets comme joueur, laisser un très bon souvenir sur les supporters, les médias et comme ça. Je crois que cette recherche de finir cette période triomphale à se reposer et avoir toutes les portes ouvertes pour retourner ou pour aller à l'équipe de France, mais toujours beaucoup mieux qui est resté dans son équipe peut-être en déclive après sa réussite. Ben, c'est clair. Et puis trois conquêtes de la Ligue des Champions de fil, je pense que ça s'était pas vu depuis fort longtemps en Ligue des Champions. Donc c'est clair là. Mais là c'est pas juste Zidane parce que là mais avant de parler de Ronaldo, j'ai une question que j'étais en train d'oublier. Penses-tu que Zidane va revenir au soccer? Là, je pense qu'il va prendre une année sabbatique, mais est-ce qu'on pourrait le voir avec un grand club? C'est sûr qu'en Europe, avec Paris Saint-Germain, Manchester United, même FC Barcelone, qui est le grand rival du Real Madrid dans la Ligue de l'Espagne. Est-ce que c'est une possibilité ou Zidane va prendre sa retraite définitive du coaching? Hier soir, pendant la conférence de presse, il a parlé très clairement de qu'il n'a pas l'intention d'entraîner d'autres équipes. Ah, okay. Il a dit qu'il est vraiment satisfait au Real Madrid. Il aime le Real Madrid. Il habite à Madrid. Sa famille, son fils sont élevés à Madrid. C'est seulement qu'il a la croyance de que pour motiver les joueurs, il y a besoin d'un nouveau projet. Il okay. dit j'ai obtenu le meilleur rendement de mes joueurs. Je suis pas sûr que je pourrais continuer à garder le même niveau. Donc je préfère quitter avant le déclin. Et tu as commenté plusieurs fois les trois Champions League en fil. Okay. C'est vrai, mais cette saison, la démarche du Real Madrid à la Ligue de l'Espagne okay. a été faible. Je crois, selon mon avis, que Zidane était un peu préoccupé d'abord le rendement à l'équipe de l'Espagne et la Ligue de l'Espagne. Et il a pensé, serais-je capable de surmonter ça ou peut-être c'est le moment de partir avec la Champions League et peut-être retourner au futur sans fatigue et avec toutes les portes ouvertes. Ok. Dis-moi, qui va succéder à Zidane à la tête du Real Madrid? Ça peut pas être un inconnu, ça peut être juste un gros nom. Le Real Madrid, c'est un peu comme les Yankees de New York, je sais pas, c'est un peu comme le Canadien de Montréal, c'est un peu comme beaucoup. Est-ce qu'il y a un gros nom qui pourrait succéder à Zidane à la barre du Real Madrid? Oui, ça c'est la grande question maintenant, non? Qui a pris tout le monde par surprise. Était pris même le président du Real Madrid qui était à côté de Zidane à la conférence de presse hier. Le président du CE, je viens de recevoir ces tristes nouvelles, donc on ne sait pas encore qui on pourrait engager. Mais bon, à commencer les idées. Je crois que les trois avec plus de possibilités, ce sont Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool qui a laissé une très très très bonne impression après la finale avec le Liverpool. Il a été vraiment gentil, il a fait un travail extraordinaire avec Liverpool, il a vraiment mis en difficulté le Real Madrid à la première moitié jusqu'à la blessure de Salah et il a été vraiment vraiment poli, vraiment gentil après la défaite de son équipe. Et je crois qu'à Madrid, on pense, comme à désir, Jürgen Klopp. Okay. Les autres deux, qui sont, on connaît, qui sont historiquement à l'agent de le président du Real Madrid, à la liste secrète du président du Real Madrid, il y a deux noms. Ce sont l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Okay. Et l'autre, c'est Pochettino. Pochettino. Qui a entraîné en Espagne et a entraîné le Tottenham cette saison. Et bon, il a eu de très, très, très grands résultats. Ce sont les trois que je dirais avec plus de possibilités. OK. Dis-moi maintenant, parce que les réactions à travers Madrid, parce que c'est vraiment, là, le Real Madrid, c'est une religion là-bas. Est-ce que les gens, les partisans, les lignes ouvertes, les médias sociaux, qu'est-ce que ça dit de la part de Zidane? Qu'on va perdre un vrai gentleman, un vrai chevalier, une personne qui a été avec un comportement extraordinaire. Et bon, tout le monde est triste, mais je crois qu'un jour plus tard, on commence à nous rendre compte qu'il a été vraiment intelligent de laisser l'équipe quand il est acclamé, quand il est en plein succès, qu'il a laissé l'équipe Il n'y a pas juste C'est pas juste le départ de Zidane. Déjà, la communauté à Madrid, les fans de foot étaient vraiment sous le choc là, parce que Cristiano Ronaldo, après la grande finale de la Ligue des Champions, Ronaldo avait laissé entrevoir qu'il quitterait le Real Madrid. D'après toi, Adrien, est-ce que c'est un moyen de négociation ou encore il est sérieux qu'il dit qu'il pourrait quitter Real Madrid et les rumeurs l'envoient à Manchester United? Est-ce que ça, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Oui, d'accord, Danny. On peut pas savoir vraiment, mais l'unique chose que je peux dire, c'est que c'est pas la première fois que Cristiano a fait ce genre de déclaration. Et toujours été une question économique. Okay. Ronaldo a déclaré qu'il est vraiment content à Madrid, qu'il n'y a pas une autre équipe à mesure de ses ambitions. Il est vraiment content avec le respect des supporters, des copains du vestiaire et tout ça. Mais on pense qu'il est vraiment jaloux de que une fois il était content avec la renouvellation de son contrat, plus tard, quelques mois plus tard, Messi a obtenu un contrat que c'est presque double d'argent que ce qu'il avait avec le Real Madrid. Et Messi était aussi très sage. Avec toute la pression pour sa renouvellation. Et la dernière chose, c'est qu'Atlético de Madrid, pour essayer de préserver son joueur plus important, Antoine Griezmann, Griezmann va obtenir une offerte du part d'Atlético pour gagner le même argent que Cristiano. Et Cristiano peut-être est aussi un peu fâché de la négociation du Real Madrid avec Neymar, okay. Parce que Neymar coûterait vraiment cher et il croit qu'il mérite plus d'argent et pas de voir cet argent percé avec d'autres joueurs qui n'ont rien prouvé encore au Real Madrid. Ce serait un peu logique parce que dans le fond, Ronaldo, Messi, c'est pas normal à quelque part que Ronaldo gagne moins que Neymar, parce que qu'on voit que Neymar, quelque part, ce qu'il y a eu avec le Paris Saint-Germain. Adrien, gros merci. On va se reparler un peu de ce qui, durant la Coupe du Monde, pour suivre un peu les péripéties de l'équipe de l'Espagne. Écoute, vous devez sûrement être en frénésie, puis on va se reparler. Voilà, donc c'était Adrien Laubert à Madrid où on parlait évidemment de ce qui se passe avec le Real Madrid.